La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. L'évolution de l'humanité, eh bien, c'est avant tout l'histoire d'une conquête planétaire. Depuis des centaines de milliers d'années, des femmes et des hommes, depuis le berceau africain jusqu'au peuplement du Grand Nord et des Amériques, se sont donc déplacés à travers les continents et les océans. Ces migrations leur ont permis de produire des outils, d'échanger des biens, mais également des gènes. Un collectif de scientifiques du CNRS publie à ce sujet, aux éditions du Cherche Midi, Préhistoire, la conquête des territoires. Un ouvrage qui mêle les disciplines afin de comprendre ce que les hommes ont fait hier et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. C'est le dossier de La Tête au Carré dans un instant. L'émission étant enregistrée, nous ne pourrons pas recevoir vos messages comme d'habitude. Caroline Tourbe, bonjour. Bonjour. À la une de la science, aujourd'hui une question, la dépression est-elle une maladie inflammatoire? Oui Mathieu, une équipe française lance une étude inédite sur le lien entre les dépressions résistantes au traitement et l'inflammation chronique. Cette piste très sérieuse pourrait bien aboutir à la mise au point de nouveaux traitements. On en parle dans un instant, Fanny Boyon réalise cette tête au carré préparée par Sophie Vaux. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. La conquête des territoires à la préhistoire, justement, c'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré avec mes invités Stéphanie Thiébaud, paléo et archéobotaniste, et l'archéologue Jean-Denis Vigne. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Stéphanie Thiébaud, c'est important que les scientifiques nous rappellent d'où nous venons. Oui, aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement important que les scientifiques nous rappellent d'où nous venons parce que on est vraiment dans l'actualité, c'est-à-dire que ces dernières années, avec les migrations, les crises identitaires, je pense qu'il est important de rappeler que ça fait plusieurs centaines de milliers d'années que ça a lieu, que nous sommes issus de plusieurs mélanges de gènes, comme vous venez de le rappeler, et puis aussi que depuis que l'humanité est humanité, la conquête des territoires est quelque chose qui a été toujours très important, c'est-à-dire que l'homme, les sociétés humaines ont toujours souhaité conquérir de nouveaux territoires, à tel point que si on peut faire un petit peu retour à l'heure actuelle, la visite, enfin l'arrivée sur Mars d'InSight il y a peu de temps. Oui, pour les hommes ce sera dans beaucoup plus de temps, évidemment. Mais on commence. Jean-Denis Vigne, les hommes n'ont pas seulement traversé les continents, ils ont aussi franchi les océans et les mers justement pour conquérir les îles, hein. C'est de ça dont on va parler oui, aussi, alors je sais pas vous. Hein. Je ne sais pas s'ils voulaient conquérir les îles, peut-être qu'ils avaient d'autres intentions, mais ils ont fréquenté les îles et puis ils s'y sont installés. Et c'est une histoire fantastique dont on peut imaginer le côté épopée, ouais. Hein, bien sûr. Mais c'est aussi quelque chose qu'on commence à découvrir maintenant grâce à l'archéologie, aussi bien dans le Pacifique, qui a été conquis, si on peut dire, récemment dans l'histoire de l'homme, que dans des régions plus anciennes, comme l'Indonésie ou la Méditerranée ou les Antilles. Et on va voir avec vous comment ils ont pu justement procéder pour traverser, par exemple, les océans, à bord de quel type d'embarcation. Et on se retrouvera dans quelques minutes pour voyager avec nos ancêtres à la conquête des territoires. A tout de suite. Mieux comprendre l'origine de la dépression sévère et proposer de nouvelles pistes thérapeutiques, eh bien, c'est l'objectif ambitieux que s'est fixé notre invitée, Caroline. Oui, Mathieu, nous sommes en ligne avec le docteur Lucile Capuron. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'INRA de Bordeaux. Vous dirigez l'équipe nutrition et psycho-neuro-immunologie et vous venez de remporter le prix de la Fondation Dassault pour la recherche sur les maladies mentales. Ce prix récompense vos travaux sur le lien entre dépression et inflammation. Alors c'est un thème de recherche qui est surprenant. Vous pouvez nous expliquer d'où il vient, comment est née cette hypothèse entre l'état dépressif et la réaction inflammatoire? Oui, alors effectivement c'est un lien un petit peu étonnant, mais nous savons depuis de nombreuses années, maintenant je dirais une vingtaine d'années, que l'inflammation participe à la survenue de la dépression. Nous sommes notamment à l'origine de tout un ensemble de travaux indiquant que l'inflammation peut entraîner chez certains individus vulnérables l'apparition d'un épisode dépressif sévère, et donc nous avons pu identifier différents mécanismes. Justement, c'est assez surprenant parce que l'inflammation, normalement, c'est déclenché par notre système immunitaire pour nous protéger en cas d'agression. Comment est-ce que ça peut finir par provoquer une dépression? Ça finit par brouiller la communication dans le cerveau? Alors tout à fait, cette inflammation qui est bénéfique évidemment pour l'organisme, pour la lutte contre un agent pathogène, une infection par exemple, nous savons qu'elle prend ses origines dans le corps, à la périphérie, mais on sait qu'elle peut se propager au niveau du cerveau, du système nerveux central, et là entraîner tout un ensemble de modifications biologiques, et notamment la perturbation des systèmes qui sont impliqués dans la régulation de l'humeur, c'est-à-dire du comportement. Et vous vous intéressez, vous, plus précisément aux patients, justement, sur lesquels les traitements sont sans effet. C'est le cas d'un patient sur trois, je crois. Tout à fait. Et pour eux, vous pensez que la solution se trouve du côté de l'inflammation? Alors, effectivement, maintenant, nous avons de nombreuses données dans la littérature, et puis nous avons différentes données préliminaires entre nos mains, hein, chercheurs, qui indiquent que les patients qui résistent aux thérapeutiques antidépressives standards ont tendance à présenter une altération du système immunitaire dans le sens d'une inflammation, d'une activation des processus inflammatoires. Est-ce que c'est facile à repérer, ça, Lucile Capuron, justement, cette inflammation dans le cadre d'une dépression? Comment on procède pour essayer d'explorer, justement, le mécanisme? Alors, c'est tout à fait simple. Il suffit d'un prélèvement sanguin, d'une prise de sang. Nous avons, à l'heure actuelle, différents marqueurs qui sont disponibles, des marqueurs de l'inflammation, comme par exemple la protéine C réactive, qui nous permettent, effectivement, à partir de ce prélèvement sanguin, d'identifier les patients qui présentent une inflammation systémique. Et donc, Lucile Capuron, cette année, grâce au prix de la Fondation Dassault, vous allez lancer une étude sur le cerveau de ces patients qui résistent au traitement. Vous allez leur proposer de participer en ayant notamment une analyse de sanguine pour connaître leur niveau d'inflammation, mais pas seulement. Pas seulement. Effectivement, donc, l'idée du projet, c'est effectivement d'étudier les mécanismes par lesquels cette inflammation va contribuer à cette résistance thérapeutique. Notre hypothèse, c'est que cela se fait par l'action justement de l'inflammation sur les systèmes biologiques qui sont responsables de la production des neurotransmetteurs et notamment de la sérotonine et de la dopamine, qui sont des neurotransmetteurs clés dans la régulation de l'humeur, et ce sont les neurotransmetteurs qui sont ciblés par les traitements antidépresseurs. Donc nous allons effectuer des prélèvements sanguins pour détecter cette inflammation périphérique, et en parallèle nous effectuerons de l'imagerie cérébrale chez ces patients, donc qui nous permettra par des techniques d'imagerie, par tomographie notamment, de déterminer et de caractériser effectivement le fonctionnement de ce système de neurotransmission dans le cerveau. Lucile Capuron, évidemment, pour tous les auditeurs qui seraient concernés par la dépression sévère ou qui connaissent des gens dans ce cas-là, évidemment, tout le monde va avoir envie d'en savoir plus. On est aujourd'hui vraiment au stade de la recherche dans ce domaine? Alors effectivement, nous sommes encore au stade de la recherche. Bien évidemment, l'inflammation ne concerne pas tous les patients dépressifs, bien sûr. Certains patients... 1 sur 3, vous l'avez dit en début d'émission, présente cette inflammation, une inflammation. 1 sur 3, le patient est également résistant. Donc là, on imagine effectivement que cette inflammation va participer à cette résistance. Mais encore une fois, c'est important de préciser que tous les patients, l'inflammation n'est pas la caractéristique fondamentale de l'ensemble des patients dépressifs, bien sûr. Votre étude, qui va être menée donc sur des patients, va aussi avoir un volet de recherche thérapeutique. Vous allez tester des médicaments, pas sur l'homme, je crois, sur l'animal, mais des médicaments qui existent déjà, qui pourraient être utiles dans le cas de dépression résistante? Alors tout à fait, il existe actuellement sur le marché des traitements qui permettent justement de réguler tous ces systèmes qui sont perturbés par l'inflammation. Et donc ces traitements sont tout à fait disponibles et peuvent être, il est tout à fait envisageable d'utiliser ces traitements en adjuvant, c'est-à-dire en plus des traitements antidépresseurs, de façon à optimiser l'efficacité des traitements antidépresseurs. Lucile Capuron, vous imaginez que ces traitements sur lesquels vous allez travailler dans votre étude cette année pourraient être proposés dans combien de temps pour les patients? Alors le projet qui est soutenu par le groupe Marcel Dassault et la Fondation Fondamentale, c'est un projet de 3 ans. Donc au cours de ces 3 années, nous allons effectivement tester l'efficacité de ces traitements, tout d'abord sur des modèles animaux, puisque c'est un projet qui est translationnel. Il y a de l'homme, il y a de la clinique, mais il y a également toute une partie qui est réalisée sur des modèles animaux. Donc là, nous avons testé l'efficacité et si ça fonctionne, donc c'est quelque chose qui est réalisable dans les 5 ans maximum à venir. Oui, très vite. Lucile Capuron, vous êtes la première femme à recevoir le prix de la Fondation Dassault. C'est important. Tout à fait, et c'est un grand honneur pour moi, effectivement. Et il était temps, on pourrait dire ça, il était temps aussi, non? Ça fait combien de temps ? 7 ans que ce prix existe maintenant ? Tout à fait, tout à fait. Il était temps, effectivement. Et je suis ravie d'être la première à recevoir ce prix, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, bravo. Et donc, ces recherches, ces études qui vont certainement marquer l'année 2019. Merci beaucoup, Caroline Tourbe. À très bientôt à la Une de la Science. Et dans un instant, nous partons à la conquête des territoires des hommes préhistoriques. Victories, c'était The Lemon Twigs. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà, Préhistoire, la conquête des territoires, c'est un livre collectif de scientifiques qui est sorti aux éditions du Cherche Midi et du CNRS. Et pour en parler cet après-midi, je reçois Stéphanie Thiébaud. Vous êtes paléo- et archéobotaniste, directrice de l'Institut Écologie et Environnement du CNRS. Vous avez dirigé cet ouvrage avec Nicolas Tessandier. Et Jean-Denis Vigne est à vos côtés, archéozoologue au laboratoire archéozoologie, archéobotanique, société, pratique et environnement. C'est au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et vous vous êtes occupé plus particulièrement Jean-Denis Vigne du chapitre sur les milieux insulaires. Voilà, avec toutes ces questions que nous avons à vous poser évidemment sur la conquête des territoires, qui a été centrale, on l'a dit un petit peu tout à l'heure Stéphanie Thiébaud, dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que d'ailleurs le mot conquête correspond véritablement à ce qui s'est passé? Parce que c'est une façon d'interpréter finalement ces déplacements, mais est-ce qu'on partait à la conquête d'un nouveau territoire? Alors pour certains, on peut parler de conquête. Alors peut-être dans le sens de territoire, comme le premier chapitre commence par les territoires souterrains. C'est-à-dire qu'effectivement, le monde souterrain est un monde que l'homme, qui n'est pas naturel à l'homme, ouais, quel qu'il soit, enfin aux humains quels qu'ils soient. Et donc on peut parler non pas de conquête au sens on s'y installe, etc. Mais c'est vraiment une aventure, comme on peut parler aujourd'hui de la conquête de l'espace. En fait, c'est pour ça que nous avons utilisé bien entendu, sciemment, ce terme de conquête. C'est-à-dire que, et alors c'est très intéressant, puisque la conquête justement des milieux souterrains, pour nous, était jusqu'après peu de temps l'apanage de l'homme moderne, entre guillemets, Homo sapiens. Ouais. Or, on vient de découvrir que notre ami et notre cousin et notre Néandertal, ouais, lui-même a fréquenté non seulement les grottes, mais très profondément en plus, et les a aménagés. Donc, voilà déjà une première conquête. Ouais, et ça, c'est tout à fait récent, évidemment, comme découverte, et c'est ce qui est formidable finalement dans toutes ces disciplines autour de la préhistoire, Jean-Denis Vigne, c'est que on découvre sans arrêt de nouvelles choses qui viennent véritablement bouleverser aussi les connaissances. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est, on le disait tout à l'heure, c'est tout à fait d'actualité parce que ça nous montre que la condescendance avec laquelle on avait considéré nos ancêtres non humains, hein, oui, bien que ce soit des homos, hein, bien sûr, relève d'un comportement qu'on a eu aussi dans nos sociétés et qu'on a encore malheureusement trop souvent, qui confine au rejet de l'autre ou à considérer que l'autre ne sait pas. Et ce que la préhistoire nous apprend, c'est que non seulement les premiers humains, on dirait modernes, hein, de notre espèce, mais aussi d'autres espèces d'humains ont développé, alors on parle de conquête, mais c'est aussi apprendre un nouveau milieu, c'est aussi s'adapter, et eux ont fait ça aussi. Et alors là, on remonte effectivement sur Néandertal, ou on va peut-être parler de l'homme de Flores, hein, sur des du pré-Néandertal, ou des périodes très anciennes, hein, 175 000 ans pour les grottes, hein, avec Néandertal. Bon, nickel. Ouais. Voilà, bon, nickel. Mais peut-être qu'on va continuer à remonter et à découvrir que nos lignées humaines avaient des capacités tout à fait étonnante et qu'il faut reconsidérer les voilà, choses. Voilà, hein. On parle parfois de rétro-racisme, hein, mais absolument. C'est un peu ça. Là, il faut respecter ses ancêtres comme on doit respecter d'ailleurs nos contemporains. Sans mettre forcément Homo sapiens toujours au centre des choses. Et voilà, c'était le cas avec cette découverte récente, donc en 2016, de la grotte de Bruniquel, et on écoute un reportage à son sujet. Elle se cache loin des regards, du côté des gorges de l'Aveyron. Ça y est, c'est passé. Ces chercheurs du CNRS révèlent aujourd'hui quelques secrets de la grotte de Bruniquel. 7 mètres de long sur 4 mètres à 4 mètres et demi de large. Il y a d'abord cette drôle de construction en forme d'anneau. Plus de 400 morceaux de stalagmites, coupés, superposés, agencés par la main de l'homme. Les scientifiques viennent de prouver que cette structure remonte à 176 000 ans, 130 000 de plus que la plus ancienne grotte habitée connue, la grotte Chauvet. Surprenant et révélateur également, la présence de traces de feu sur la structure à plus de 300 mètres de l'entrée de la grotte. Elle révèle une organisation de l'homme de Néandertal, insoupçonnée jusqu'à présent. Ça suppose un investissement par un groupe, avec certainement quelqu'un ou plusieurs personnes qui dirigeaient la manœuvre, puis des assistants, des personnes qui devaient éclairer avec un projet. La grotte de Bruniquel, c'est l'appropriation du monde souterrain par l'homme de Néandertal. Ça, c'est un schéma qu'on n'avait pas du tout imaginé il y a quelques années. Prochaine étape, découvrir pourquoi l'homme a ainsi bravé le monde hostile de ces grottes inhospitalières. Alors, Stéphanie Thiébaud, justement, vous souhaitiez réagir à ce qu'on vient d'entendre, parce qu'effectivement, il y est dit que Néandertal aurait habité cette grotte. Non, il a investi cette grotte, mais il ne l'a pas habité. Hein. C'est très important de le préciser. Les hommes préhistoriques n'ayant jamais, d'ailleurs, quasiment habité les grottes. Hein. Les hommes préhistoriques n'ont guère habité les grottes. Ils les ont beaucoup fréquentées, ils les ont peintes, surtout. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment, parce qu'on parle, on évoque Chauvet, c'est la plus ancienne grotte ornée, avec ses peintures absolument exceptionnelles, hein. et d'une datation très ancienne par rapport à ce qu'on connaissait sur l'art paléolithique. C'est-à-dire la datation de Chauvet, on peut la rappeler, c'est 30 et voilà, quelques mille. Hein. Voilà, 30-35 mille, ce qui est exceptionnel. Là, la plupart du temps, les hommes préhistoriques fréquentaient les grottes, mais ils habitaient devant, c'est-à-dire en ouais. abri, comme voilà, ils prenaient place sous les porches où ils étaient un petit peu à ouais. l'abri, leur foyer, leur campement était juste à l'entrée des grottes, mais toujours avec une possibilité d'éclairage et ouais. de contact avec l'environnement. Justement, on peut imaginer que la lumière était un problème pour qu'ils puissent investir vraiment les grottes en profondeur, Jean-Denis Vigne, ou c'est pour d'autres raisons finalement? Je pense que la raison, elle est toute simple, c'est que c'est difficile d'habiter de manière permanente dans un réseau karstique profond, hein, dans ces grottes, et que c'est beaucoup plus facile d'habiter au pied des falaises ou juste devant la grotte, d'une part parce qu'on a accès à toutes les ressources et aux interactions avec les autres groupes très facilement. Mmh. En même temps, c'est un lieu qui est assez facile à protéger aussi des bêtes sauvages, des intempéries, etc. etc. Ouais. Stéphanie Thiébaud. Oui, en plus de ça, dans les grottes karstiques, c'est généralement très humide et généralement ça déborde aussi à certaines époques. Et en plus, si on reparle de la grotte Chauvet, l'oxygène circule très mal. C'est-à-dire que même actuellement, on ne peut pas rester plus de 4 heures dans la grotte Chauvet puisqu'on commence à étouffer. Donc on a investi ces grottes sans les habiter, c'est important de le préciser. Ce que ça montre aussi finalement, et votre ouvrage en particulier, Jean-Denis Vigne, c'est la mobilité de l'être humain. Parce que de tout temps, il n'est jamais resté en place finalement. Oui, alors à très grande échelle, en regardant la longue durée de ces lignées humaines, on se rend bien compte qu'elles ont constamment eu une propension à s'étendre. Oui. C'est ce qu'on appellerait dans d'autres circonstances des espèces invasives. Hein. Elles ont un moteur démographique puissant, surtout notre espèce et surtout depuis quelque temps. Mais ce moteur démographique, il existe depuis très longtemps et il a alimenté le mouvement de ces populations vers des milieux toujours nouveaux. Alors toujours nouveaux, il faut aussi se méfier de ça. Hein. On pense à la montagne, on se dit oh là, la conquête de la montagne au néolithique. Mais la montagne était fréquentée très tôt, longtemps avant le néolithique. D'ailleurs, il y a une étude récente qui montrait qu'il y a 40 000 ans, déjà au Tibet, des populations avaient investi des altitudes assez importantes. Hein. Qu'est-ce qui finalement motive principalement ces déplacements, Stéphanie Thiébaud, alors? Alors, est-ce qu'il y aurait un dénominateur commun, si ce n'est d'abord la curiosité peut-être aussi qui anime l'humanité, non? Alors, la motivation, c'est toujours des bonnes questions. Alors, il n'y a pas très longtemps, il y a eu au Musée de l'Homme, à l'occasion des 150 ans de la découverte de l'homme de Cro-Magnon, un colloque sur la modernité. Oui. Et ce type de question, effectivement, s'est posé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui motive le fait? Alors, est-ce que c'est pour des raisons climatiques? Est-ce que c'est pour des ressources, absolument. Là-dessus, est-ce que c'est lié au climat? Il est bien évident que, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Denis, l'adaptation au milieu est pour nous quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que, et c'est aussi une question actuelle. C'est-à-dire comment allons-nous nous adapter à un monde en plein changement global? C'est-à-dire qu'on essaye dans le livre aussi de toujours faire la relation avec l'actuel, le futur, et que nous apporte le passé pour interpréter tout cela. Et donc, la culture finalement est presque une adaptation au milieu, puisque c'est là-dessus que s'est passé et s'est adapté l'homme. Peut-être qu'on pourrait dire aussi quand il a été montré, et on le voit bien, c'est bien expliqué dans un focus du livre, comment lorsqu'à certaines périodes très froides, justement, les populations avaient tendance à s'étendre et justement à se rapprocher les unes des autres. C'est-à-dire quand le froid rapproche les peuples, hein, c'est le titre du chapitre, pour montrer le lien entre le climat et l'intensité des échanges culturels. Exactement. Donc c'est bien ça, hein. On pourrait croire que quand il fait froid, on va se mettre les uns sur les autres et puis bouger. Pas du tout, c'est l'inverse, justement. C'est au moment des grandes glaciations qu'on voit où les échanges culturels, qu'on suit bien, hein, puisque on peut avoir par exemple les Vénus ou un certain nombre... Qu'est-ce que c'est les Vénus, dites-nous? Les Vénus, ben oui, c'est des petites statuettes féminines qu'on retrouve depuis l'ouest de l'Europe jusqu'en Russie. C'est des formes d'art, formes d'art qui sont très anciennes. Voilà, et très caractéristiques. Et ça, elles sont généralement faites en os ou en pierre et très très bien façonnées. Et c'est bien, on les retrouve sur... de très grandes étendues. Alors qu'au contraire, on voit qu'au moment des périodes plus tempérées, les groupes se morcellent et ont beaucoup moins de relations les uns avec les autres. Mais ça veut dire quoi ? Parce que justement, dans les périodes tempérées, ils ont plus tendance à bouger et à profiter d'un temps clément pour aller exactement, ils sont plus en autarcie, etc. Alors que manifestement, quand il fait froid, on a vraiment besoin de communiquer et de se rassembler sans doute. Jean-Denis Vigne. Oui, puis dans ce mouvement d'extension des humanités, il y a, on l'a dit, un phénomène d'adaptation. Mmh. Alors, l'homme est une espèce qui est facilement adaptable parce que elle a un régime omnivore, parce qu'elle est capable de développer des techniques qui lui permettent de s'adapter au froid, ne serait-ce qu'en s'habillant. Oui. Et aussi, et ça je pense que c'est quelque chose de très important, parce que elle est capable d'apprentissage et de transmission de savoir. Et évidemment, quand on est capable d'apprentissage et de transmission de savoir, on va s'adapter beaucoup plus vite à des situations nouvelles par l'invention d'un tas de techniques, de pratiques, etc. Et c'est intéressant parce qu'il y a d'autres espèces, pas toutes les espèces capables d'apprentissage et de restitution à la génération suivante, mais beaucoup d'espèces qui sont dans ce cas-là, dans le règne animal. Et souvent, ce sont des espèces qui ont colonisé, je pense aux corvidés par exemple, qui ont colonisé des espaces immenses parce qu'ils sont capables de s'adapter et de transmettre ces capacités d'adaptation. Mmh. Et le meilleur exemple, ou l'un des meilleurs exemples, mais c'est peut-être que je vois midi à ma porte, c'est que l'apprentissage de la mer, c'est pas quelque chose de simple. Il a sans doute fallu beaucoup de temps pour arriver à maîtriser une force naturelle changeante, à se repérer dans l'espace quand on n'a plus les repères de la Terre, etc. Ouais. etc. Voilà, et on va en parler parce que c'est assez prodigieux dans l'histoire justement des déplacements humains, cette capacité à franchir les océans. On en discute dans un instant puisque nous sommes ensemble autour de ce livre « Préhistoire, la conquête des territoires ». On ne meurt pas d'amour. C'était la voix de Clara Luciani. La tête au carré sur France Inter. Au cœur de la fine bande du croissant fertile, c'est en Turquie qu'a récemment été mise à jour une cité surprenante, Çatalhöyük. Elle date de 6500 ans avant notre ère. Entre moins 11000 et moins 8000, les populations du croissant fertile, bénéficiant de conditions climatiques favorables, ont abandonné la chasse et la cueillette pour se sédentariser. Après de nombreuses tentatives, la technique de la terre cuite et la production de poterie sont enfin maîtrisées. Vers 6000 ans avant notre ère, Çatalhöyük, comme d'autres centres politico-religieux du croissant fertile, disparaît. Choc climatique, épuisement des sols, pouvoir trop centralisé rendant la gestion de la cité impossible. Beaucoup de familles migrent alors du Moyen-Orient vers l'Europe, emportant avec elles semences de céréales, animaux domestiques, techniques et traditions. Les artisans potiers utilisent un coquillage, le cardium, pour imprimer des motifs géométriques sur l'argile de leur poterie. On appelle cardial ce style caractéristique. Pour les archéologues, il constitue un marqueur fiable des étapes et du rythme de progression des migrants au fur et à mesure de leur avancée en Europe. Voilà, c'était sur Arte en 2010, un documentaire qui s'appelle « Les premiers Européens » avec nos invités Stéphanie Thibault et Jean-Denis Vigne autour de cet ouvrage « Préhistoire », donc la conquête des territoires au CNRS et au Cherche-Midi. Jean-Denis Vigne, justement, est-ce qu'on peut parler de la conquête de l'Europe aussi? Là, il y a eu un résumé très rapide, évidemment. Hein. Alors, comment ça s'est passé, finalement, cette arrivée sur le territoire européen? Ça s'est passé il y a très, très, très, très longtemps, puisque ça remonte... Pour les premiers arrivants, il y a plusieurs vagues d'humains qui se sont répandus sur l'Europe, et ne serait-ce que la dernière vague, Néandertal étant le peuplement substrat au moment où Homo sapiens pénètre en Europe. Il y a donc les premiers arrivants européens, ça nous emmène à quelle époque alors exactement? En fait, les vrais Européens, si on pourrait dire, ce sont les Néandertaliens, ce sont eux... Donc c'est 400 000 ans, là, pour le coup, pour les tout premiers Néandertaliens. Voilà. Et les Néandertaliens, alors, j'ose même plus dire qu'ils disparaissent, parce que il y a 20 ans, ils disparaissaient, parce qu'on pensait que c'était deux espèces différentes. Aujourd'hui, on a quand même entre 2 et 4% de gènes néandertaliens. Donc ils n'ont pas totalement disparu. Ils sont un peu en nous, encore. Ils sont encore un petit peu en nous. Nous, les Européens, les Asiatiques, voilà. Hein, c'est toujours mais ce qu'on précise. Effectivement, les vrais Européens... Alors là, vous parliez, dans le documentaire que vous venez de diffuser, de l'arrivée des vagues néolithiques qui arrivaient sur un substrat de chasseurs-cueilleurs. Ouais. Ça, c'est beaucoup plus récent, alors, effectivement. C'est ça. Donc on est vraiment dans une ère, il y a quoi, il y a 10 000 ans à peu près, Jean-Denis Ville Ça dépend des régions d'Europe, mais disons que le premier impact du néolithique en Europe... Il est aux alentours de 6800 avant Jésus-Christ, donc ça fait 9000 ans. Ouais. Et puis il se répand à travers toute l'Europe, très lentement, hein, c'est pas une invasion massive et rapide. Et le nord de l'Écosse voit apparaître le néolithique aux alentours de 3500 avant notre ère. Stéphanie Thibault, quand on parle de la dernière sortie d'Afrique, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Alors, il y en a eu plusieurs d'abord, effectivement? C'est-à-dire que... on a coutume de dire le berceau africain de l'humanité, c'est-à-dire que en Afrique du Sud, effectivement, les grottes de Blombos, etc., du Cap, ont montré que nos ancêtres, qu'on appelle sapiens dits archaïques, sont remontés à une certaine époque, passant par Israël et venant en Europe. Mais auparavant, il y avait eu plusieurs tentatives de passage entre l'Afrique et le continent européen. Mais la dernière sortie d'Afrique, c'est celle-ci. Et à ce moment-là, ils rencontrent d'une part nos ancêtres maintenant, on va dire néandertaliens. Et puis, il y a ceux qui partent vers l'Est et qui vont aussi rencontrer les néandertaliens et qui vont rencontrer des Denisoviens et qui vont rencontrer certainement d'autres populations. Et c'est là l'intérêt aujourd'hui de la préhistoire, c'est que tout cela, ce qu'on vous raconte aujourd'hui, on ne pouvait pas vous le raconter il y a même 3 ou 4 ans. Et donc, en ce moment, on est en train de vraiment de découvrir, avec les nouvelles apports et aussi grâce à la technique, toute cette population et toutes ces nouveaux territoires qui sont conquis à l'Est, parce qu'on les ignore encore. Jean-Denis Vigne, les voyages maritimes, ils ont largement comment on contribue justement à la mobilité et aux échanges à la fois donc d'outils, de gènes et donc de culture, de savoir. Hein. Tout ça, ça participe évidemment à l'évolution humaine aussi. Oui, tout à fait. Bah, la mer, Braudel l'a dit il y a déjà quelques décennies, la mer, il parlait de la Méditerranée, rapproche. Plus qu'elle n'éloigne, et c'est vrai qu'à partir du moment où on maîtrise la navigation, elle rapproche plus qu'elle n'éloigne. Mais il faut quand même pas oublier que ça dépend effectivement des techniques et, comme je le disais, du savoir-faire des populations concernées. Alors les plus anciennes attestations de traversées maritimes conséquentes, c'est le peuplement de l'Australie. Ils partaient d'où alors pour arriver en Australie? Alors ils partaient presque d'un sous-continent, d'une très grande péninsule qui aujourd'hui est en partie envahie par la mer et qui est l'Asie du Sud-Est, au sens large, pour franchir un bras de mer assez conséquent. Et cela, il y a 50 à 60 000 ans. C'est les plus anciennes attestations. Cela dit, on ne sait pas du tout comment ils l'ont franchi, ce bras de mer. C'est-à-dire, les moyens techniques. C'est ça, on ne sait pas du tout avec quel type d'embarcation ils ont pu parvenir. Si c'était avec des radeaux, avec des bateaux. Quelles sont les hypothèses? Et là, on pose les deux questions principales concernant la navigation. C'est la première, on voit apparaître des humains sur des territoires qui étaient insularisés. Donc ça, c'est à quel moment ça s'est passé, dans quelles circonstances et sous quelles impulsions culturelles, sociales, etc. Et puis l'autre question, c'est une question plus technique, c'est quels étaient les moyens de navigation, comment ils ont fait. Alors là, notre documentation archéologique est très limitée. Songez que en Méditerranée, ou au sens large, les plus anciennes attestations de bateaux, c'est 8000 ans avant l'actuel, un tout petit peu plus. C'est vrai en Europe du Nord aussi, mais ce sont des pirogues qui sont creusées dans un gros tronc d'arbre, qu'on appelle monoxyle. Alors, qui était, pour celle de Méditerranée, auquel je pense, celle du lac de Bracciano, c'était des pirogues qui avaient été aménagées avec des plats-bords, tenons mortaises, etc. Donc, toute une technique, une technologie du bois, qui était mise au service de la navigation, comme elle pouvait être mise au service d'autres activités. Donc ça, cette barque de Bracciano, on ne sait même pas si elle l'a naviguée en mer, parce qu'elle est dans un étang côtier. Ouais. De même, les bateaux égyptiens la transition entre le pré-dynastique et les premières dynasties sont des bateaux néolithiques, c'est-à-dire qu'ils sont faits avec des outils en pierre, il n'y a pas de métal encore. Et ce sont des bateaux qui sont faits avec des planches qu'on déligne, c'est-à-dire qu'on suit le fil du bois pour faire ces planches. On n'est pas en mesure de les scier au carré, donc il faut les ajuster en détail. Et ces bateaux sont cousus, c'est-à-dire qu'il y a des trous de part et d'autre de la ligne de suture de deux planches, et dans ces trous, on va passer des liens. Et ensuite, on va calfater l'ensemble, évidemment, parce que sinon, ça coule. Voilà. Donc, mais ça, ce sont des choses qu'on connaît en navigation fluviale. Alors, probablement aussi dans la mer Rouge à cette époque. Mais c'est très tardif par rapport à ce que je viens d'évoquer. C'est pas 60 000 ans. C'est pas les 10 000 ans ou 12 000 ans qu'on connaît pour les premiers indices de présence humaine sur des îles en Méditerranée. Mais ça, c'est absolument hallucinant parce que ça veut dire qu'il y a tout un tas de mystères. On n'a pas du tout de réponse encore à ces questions-là. On ne peut qu'émettre des hypothèses. On a quand même On a quelques réponses. Alors, donnez-les-nous. Parce que ça nous intéresse et ça nous intrigue surtout. Alors, comment est-ce qu'on pouvait maîtriser ne serait-ce que la connaissance du milieu marin à cette époque? Sans boussole, évidemment. Est-ce qu'ils savaient où est-ce qu'ils allaient s'embarquer, où ils pouvaient arriver, ou ils partaient complètement à l'aventure? Alors, bon, ça c'est une question qui est difficile à résoudre, mais on peut imaginer qu'à partir du moment où il y a des transports réguliers qui relie un continent à une île ou une île à un continent, il y a une connaissance des lieux d'atterrissage. On va pas se jeter sur les rochers, bien sûr. Des lieux où on va pouvoir hisser le bateau, parce que c'est quand même quelque chose de précieux qu'on a construit, le hisser et le mettre à l'abri. Ensuite, il y a une connaissance de la navigation sans repère. Quand le trajet permet de voir encore le continent, puis tout d'un coup de voir l'île et qu'il n'y a pas d'espace vide entre les deux, c'est facile. Mais je prends l'exemple de Chypre, bien sûr, je n'y résiste pas. Et ça serait vrai pour d'autres grandes îles méditerranéennes. C'est vrai que quand on est sur des hauteurs du Liban ou d'Anatolie, on voit l'île de Chypre, mais quand on est au niveau de la mer dans une embarcation qui fait quelques centimètres au-dessus de la ligne de flottaison, il y a un moment où on perd de vue, même si le temps est très clair, on perd de vue le continent, et puis on n'a pas encore en vue l'île. Et du coup, il faut que là, il y ait des repères, qui sont issus de l'expérience. Donc il y a sans doute une longue expérience derrière. Pour Chypre, par exemple, on imagine que les pêcheurs exploitaient le détroit entre l'Anatolie et Chypre. Et du coup, ils avaient acquis cette expérience. Puis ils pouvaient accoster éventuellement de manière temporaire. On n'en a pas d'indice archéologique, mais ils pouvaient accoster. Et donc ça, ça a pu se produire très tôt, pendant le paléolithique. On n'a pas d'indice de ça. Mais il fallait que ces gens-là connaissent ça. Fallait qu'ils connaissent les courants, fallait qu'ils connaissent les vents. Quand on a un bateau, on sait que s'il y a une dérive, eh ben, on va réussir à suivre le cap. Il y a eu des pionniers, forcément, les tout premiers qui sont partis à l'aventure, ont dû d'ailleurs le payer très cher, probablement. Peut-être. Mais en tout cas, ils ont eu cette appétence pour le voyage, Stéphanie Thiébaud. Oui, en plus, il faut penser qu'ils partaient pas sans rien. C'est-à-dire qu'ils trimbalaient quand même leurs animaux, avaient aussi si, en l'occurrence, je pense, puisque Jean-Denis a commencé à travailler, à parler de Chypre, ils ont apporté un certain nombre d'animaux, ils ont apporté leurs semences, etc. Donc, on va en parler dans un instant, justement, pour poursuivre la discussion, puisque nous avons à écouter ensemble ce titre d'Alain Chamfort qui s'appelle « Chasseur d'ivoire », et ensuite nous repartirons sur les océans pour voir comment tout cela s'est passé. Sous couleurs d'ébène. Chassez mes troubles, chassez mes peines. Chasseur, chasseur d'ivoire, juste histoire d'ivoire. À la place des filles féroces, l'éléphant et le rhinocéros. À la place de celles qui m'ont. Chasseur d'ivoire, c'était Alain Chamfort. La tête au carré sur France Inter. Voilà mes invités cet après-midi, Stéphanie Thiébaud, Jean-Denis Vigne, pour nous parler de ce livre Préhistoire, donc la conquête des territoires, avec le CNRS et les éditions du Cherche Midi qui se sont réunis pour ouvrir cet ouvrage. D'ailleurs, Stéphanie Thiébaud, dont on peut remarquer l'iconographie. Vous avez fait vraiment un effort à la fois de vulgarisation, de synthèse des connaissances aujourd'hui, avec aussi des documents photographiques, beaucoup d'icônes très intéressantes par rapport à cette période, cette large période évidemment de l'histoire. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir une iconographie un petit peu originale pour cette période, surtout d'illustrer avec des choses un petit peu différentes d'habituellement sur ce sujet. Et voilà, je vais en profiter pour remercier tous ceux qui ont participé à cette iconographie qui est assez exceptionnelle. Et tous les scientifiques qui ont participé à l'ouvrage, puisque vous avez aussi fait quelque chose de très pluridisciplinaire. Alors le but, c'était aussi d'offrir les dernières découverte. Vraiment, je pense que aujourd'hui, enfin, c'est facile à dire parce que c'est pas moi qui ai écrit. On a vraiment piloté ça avec Nicolas Tessandier. Nous, aujourd'hui, c'est, je pense, qu'il n'y a pas de livre qui soit aussi up to date, si je puis parler, ça, sur les dernières découvertes sur la préhistoire. Voilà. Donc, c'est aux éditions du Cherche Midi. Jean-Denis Vigne, j'aimerais qu'on poursuive avec vous le voyage maritime parce que je le trouve tout à fait passionnant pour essayer d'imaginer comment on fait les hommes justement pour franchir les océans, mais même ne serait-ce qu'en Méditerranée par exemple, hein, c'est un terrain évidemment géographique tout à fait passionnant à étudier, c'est votre cas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on sait alors exactement aujourd'hui sur les transports d'animaux par exemple, sur les déplacements humains? Alors, quel est l'état de la connaissance aujourd'hui? Je parlais tout à l'heure des premiers bateaux qui datent du 4e millénaire ou même du 6e millénaire et qui sont des bateaux dont on sait même pas sûr qu'ils ont navigué en mer. Première épave marine certaine, on en a deux maintenant, mais c'est des épaves qui datent du début de l'âge du bronze ou de la toute fin du néolithique. Donc c'est pareil, c'est 3e, 4e millénaire. Donc on ne sait rien, on n'a pas de témoins matériels de la navigation ancienne. On a des idées. Alors, les idées, elles nous viennent d'abord du fait que l'homme est présent sur l'île, donc il a bien fallu qu'il vienne, mais ça suffit pas. Le fait qu'il ait exploité certaines ressources des îles, comme ce verre volcanique qu'est l'obsidienne, très tôt, hein, en mer Égée ou en Méditerranée occidentale, ou qu'il l'a transporté même depuis l'Anatolie jusqu'à Chypre, par exemple. Ça, c'est une pierre volcanique qu'on ne trouve que sur les îles, l'obsidienne, c'est ça ou... Pas que sur les îles, mais les sources sont rares en Méditerranée, et elles sont pour beaucoup concentré sur les îles. Et donc le fait qu'on trouve ces lames ou lamelles, bien sûr, ça nous indique aussi des transports de denrées. Donc ils sont pas venus simplement à la nage. Mais en même temps, c'est petit, et puis même si on prend un gros bloc d'oxygène, c'est rarement le cas, c'est plutôt des petites lamelles qui sont transportées, c'est pas gros, quoi, c'est pas énorme, c'est pas un gros problème. Là où ça devient plus intéressant pour nous, et plus compliqué pour les navigateurs de la fin du Paléolithique et du tout début du Néolithique, c'est transporter des animaux ou des plantes. Alors les plantes, c'est pareil, c'est pas très gros. Mais des animaux, on se dit, il faut des sacrées embarcations là. Oui. Plus ancienne introduction d'un ongulé sauvage en l'occurrence sur une île méditerranéenne, c'est à Chypre. C'est un sanglier. C'est un sanglier qui est introduit il y a 12 000 ans. C'est-à-dire qu'on est très loin encore de la domestication, 2000 ans avant. Bête sauvage là, quand même. C'est une bête sauvage. Alors remarquez, s'il y a une bête qu'on peut introduire facilement et laisser proliférer sur une île, c'est bien le sanglier. On imagine une traversée en mer avec un sanglier sauvage, ça doit être terrible. Non, quand même, non, c'est assez facile à imaginer parce que les marcassins sont sevrés très vite. Ouais. Donc on peut emporter quelques marcassins, une portée. Ça, c'est pas bien gros, c'est pas bien. Et puis alors, ils vont se reproduire à une vitesse fantastique. Il y a pas de prédateurs sur l'île. donc ça, mais c'est quand même intéressant parce que ça veut dire qu'on a introduit des animaux. Et puis après, dès qu'on parle de bovins. Là, les premiers bovins domestiques néolithiques qu'on voit apparaître. Ah oui, c'est plus le même calibre quand même. C'est plus le même calibre. Alors on va dire, ouais, ils n'ont qu'à prendre des petits. Oui, mais un petit veau, soit il a arrêté de téter et il pèse pas loin de 150 kilos déjà, soit il tète encore et il faut emporter la mer avec. Ouais, donc il faut de grandes embarcations ou pas? Donc il faut de relativement grandes embarcations. Mais le principal problème pour les ruminants, c'est de les immobiliser pendant un temps long, parce qu'ils n'avaient pas de moteur, donc ouais. la traversée, c'est 70 km minimum, quand même, les immobiliser pendant un temps long, et qu'ils puissent se relever après. Parce que très souvent, quand on immobilise un ruminant en position assise ou couchée, c'est ce que les vétérinaires connaissent bien lorsqu'il y a des vélages trop longs, ouais. Eh bien, il y a le syndrome de la vache couchée, c'est-à-dire que la vache ne peut pas se relever. Ah oui, elle est paralysée? Elle est paralysée, ça provoque des perturbations de la circulation des membres ouais. postérieurs principalement, et elle est paralysée, elle ne se relève pas. Donc, il faut en tenir compte dans cette histoire qu'on retrace. Alors, comment ont-ils fait? On ne sait pas. Est-ce que la vache, elle nageait à côté du bateau? mais en tout cas, ils ont mis en place... Non, là, vous plaisantez. Hein, je plaisante. Oui. Je plaisante pas complètement, parce que on connaît des systèmes traditionnels en Corse, par exemple, ouais. où les gens trimbalaient des bovins comme ça, ils les mettaient par quatre, le menton sur un grand tronc d'arbre. Ouais. Ah oui, pour qu'il coule pas. Ils attachaient par quatre comme ça, pour pas qu'il coule, qu'ils aient la tête hors de l'eau. Bien sûr. Et puis, ils mettaient une corde au centre du tronc d'arbre, ils partaient avec une barcasse de 3 mètres de long, ils ramaient et puis ils tiraient l'ensemble qui suivait en nageant. Donc ça existe peut-être depuis longtemps. Alors c'est une toute petite traversée ça, hein, c'est pas 70 km. Ouais, ouais. Mais donc il y a des technologies derrière ça, et puis il y a aussi le fait qu'ils ne pouvaient pas faire le trajet à 2 ou 5 nœuds, il fallait qu'ils aillent plus vite. Donc ça pose la question réellement, y compris pour ces périodes très anciennes, de l'existence de voiles. Ou alors d'une connaissance, et peut-être aussi d'une connaissance des courants, qui fait qu'ils ont réussi à accélérer. Ouais. Le transport. Mais c'est vraiment une enquête finalement qu'on mène hein, quand on est comme vous dans ces domaines-là, parce qu'on essaie de rassembler tous les éléments connus pour essayer de faire des déductions et donc de retracer une histoire dont on a finalement pas beaucoup d'éléments. Hein. C'est-à-dire qu'on regarde ce qu'on a, ces bovins qui arrivent à telle date, des souris qui arrivent à telle autre date, et on se dit... Le mode de vie, les caractéristiques biologiques de ces animaux sont telles que ça va... éliminer un certain nombre de possibilités techniques. Alors, on va pas être capable de reconstruire le bateau qui a fait tout ça, ou les bateaux qui ont fait tout ça, mais on va pouvoir dire, il fallait que, si on transporte des souris, c'est pas dans une petite pirogue, hein, il faut que la souris, elle arrive à se cacher un peu, quoi. Ouais. Et puis, il faut qu'on en transporte plusieurs, dans un temps relativement court, etc., etc. Donc, on arrive à dire, il y avait des superstructures sur ces bateaux, ou bien il y avait très probablement des voiles. Ouais. Alors en quoi elles étaient les voiles? Ça c'est une autre affaire. Ouais. Et puis on n'en retrouvera jamais a priori. Ah, on désespère pas nous autres archéologues, on fouille tout le temps. Hein. Et donc, on va bien finir un jour par trouver des choses, on en trouve tout le temps des choses nouvelles. Il faudrait des conditions de conservation exceptionnelles. Oui, bien sûr, en tout cas, mais pourquoi pas. Mais ça arrive, pourquoi effectivement. Et les souris, qu'est-ce qu'on sait de l'arrivée des souris? On arrive à dater l'arrivée d'une souris sur une île par exemple? Alors oui, tout à fait. Alors les souris c'est un peu comme l'homme, hein. C'est une espèce invasive, hein. C'est une espèce qui est originaire d'Asie du Sud. Et puis qui s'est répandu au Proche et au Moyen-Orient. Oui, on en avait parlé, je me souviens. Voilà. Et puis qui ensuite s'est répandu en Europe, mais beaucoup plus tard. Selon des voies différentes, hein, mon collègue Thomas Cookie a très bien montré tout ça, au nord de la mer Noire, et puis par le littoral méditerranéen. Mais avant ça, l'histoire locale au Proche-Orient est très intéressante pour deux raisons. La première, c'est que, on vient de le démontrer récemment, ces souris, elles sont rentrées dans les hameaux des tout premiers sédentaires, 3000 ans avant le début de l'agriculture. Mais ces premiers sédentaires, ils faisaient des stocks. Donc la sédentarisation, la génération de stocks a créé un nouvel espace écologique dans lequel des espèces préadaptées ou facilement adaptables, comme la souris, se sont introduites. Et puis ensuite, du coup, on trouve cette souris introduite à Chypre. Pratiquement au même moment, un peu plus tard, avec les céréales, les premières céréales domestiques. Donc là, il y a un lien étroit entre cette agriculture naissante, cette sédentarité naissante, et puis ces souris. Et du coup, le transport des souris à Chypre, ça c'est intéressant, parce que ça nous montre d'abord que, comme je l'ai dit, les bateaux permettaient ce genre de choses, mais aussi ce qui est très intéressant, et que mon collègue Thomas Cookie encore lui a montré, c'est que les souris chypriotes ne divergent pas des souris du continent pendant 3000 ans. on pourrait s'attendre à ce que si la population était vraiment isolée, comme ça évolue très vite les souris, il y a une divergence. Il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il y a au moins deux souris par an qui ont pénétré du continent à Chypre et qui se sont reproduites avec les souris de Chypre. Incroyable. Et on arrive à le savoir aujourd'hui. Et donc on a une idée de la fréquence de ces échanges. Donc on voit bien qu'ils étaient très bien maîtrisés. Stéphanie Thiébaud, tout cela est passionnant. C'est évidemment l'histoire de notre humanité, de nos origines, la façon dont nous avons évolué avec ces échanges et ces migrations, parce que c'est ça aussi, hein, évidemment, ce mot qui résonne tout particulièrement aujourd'hui. Mais c'est tout l'apport de ces déplacements que vous avez voulu montrer dans cet ouvrage. C'est tout l'apport de ces déplacements qu'on a voulu montrer. Et donc, effectivement, c'est nouveau, ces territoires. Alors, on a beaucoup parlé des îles, on n'a pas parlé de la montagne, mais effectivement, dès que les glaciations se retirent, l'homme s'installe en montagne. Mmh. Et c'est très intéressant ce qui se passe en montagne, parce que là, il va s'y installer à partir du 10e millénaire, au moment du retrait des glaces. Et puis, on va avoir une économie montagnière qui a subsisté jusqu'à une période encore très récente. Et puis, le dernier territoire du livre, en fait, c'est l'au-delà aussi, parce que je pense que, quelque part, toute la pensée symbolique humaine, c'est vraiment le propre de l'homme. Et là aussi, c'est une conquête qui date d'il y a très longtemps. C'est donc un immense voyage à la conquête des territoires que vous publiez avec toute votre équipe de scientifiques aux éditions du Cherche Midi avec le CNRS. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler dans La Tête au Carré cet après-midi. Merci beaucoup. Merci à vous. Ainsi s'achève l'émission. Merci beaucoup à Thierry Dupin qui assurait la programmation musicale de l'émission aujourd'hui. Et dans un instant, ce sera Affaires Sensibles. Bonne journée à toutes et à tous.